une histoire particulière. C'est la rentrée, je vous espère bronzés, reposés, prêts pour de nouvelles histoires particulières. C'est le temps de nous retrouver pour une nouvelle saison documentaire. Chaque week-end, à 13h30, des histoires vous sont racontées par des documentaristes et réalisateurs fabriqués exclusivement pour vous. Des histoires incroyables, inoubliables, vraies, singulières, particulières. Ah, les Philippines! Richesse naturelle, richesse ethnique et multiples influences culturelles. Un archipel de plus de 7000 îles, une force de caractère unique en Asie du Sud-Est. Forêts primitives, rivières souterraines, sanctuaires animaliers et superbes spots de plongée. Est-ce qu'une histoire particulière prolongerait vos vacances? Pas tout à fait, mais tout part de ce pays qui recèle en lui une part beaucoup plus sombre que ne laissent paraître ses plages ourlées de sable blanc. Lenora Krief et Anne Pérez Franchini vont tout de suite vous le raconter dans le premier épisode. Paris, décembre 2015. Je travaille donc je suis. Even though René Descartes n'apprécierait peut-être pas la transformation de sa célèbre pensée philosophique, mais ceux qui comprennent la centralité du travail dans tous les processus sociaux savent que le travail et la pensée sont dialectiquement liés. Angela Davis, militante américaine des droits de l'homme et professeure de philosophie. Si je suis parce que je pense, je ne peux pas penser si je ne travaille pas. Il ne s'agit évidemment pas d'un processus individuel ou individualiste, mais d'un processus profondément social et donc collectif. Le destin de Zita, un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Anne Pérez Franchini. Près de la moitié des migrants dans le monde sont des femmes, et toutes sont principalement employées dans le secteur des services à la personne. Parmi elles, les femmes philippines occupent une place importante au sein du marché global de la main-d'œuvre. L'ancienne présidente des Philippines, Gloria Arroyo, disait que si certaines nations se contentaient d'envoyer des véhicules à leurs citoyens vivant dans les pays riches du Moyen-Orient, son pays envoyait, lui, des superbonnes pour les servir. Mise en place dans les années 1960 sous la dictature de Marcos, la politique d'exportation de la main-d'œuvre est un élément stratégique qui a été repris par les gouvernements ultérieurs. De Corazon Aquino à Benigno Aquino III, en passant par Joseph Estrada, Gloria Arroyo ou le président actuel Rodrigo Duterte, tous les dirigeants ont compté sur les revenus tirés de l'expatriation pour soutenir l'économie. Dans les années 1970, il était facile à cette époque d'obtenir un visa touristique à l'ambassade de France à Manille, ce qui a conduit à l'émergence d'une catégorie de migrants philippins, les faux touristes. Des migrants qui parviennent par ce moyen à entrer en France pour y rester travailler. Les principaux bénéficiaires de ce système sont les agences de recrutement aux Philippines qui, déguisées en agences de voyage, arrangent la venue en France des migrants sous couvert de tourisme. Beaucoup d'entre elles ont été victimes de ce système, comme Zita, qui a parcouru un long et douloureux périple pour arriver en France. Aujourd'hui secrétaire générale des salariés des services à la personne du syndicat CFDT en Île-de-France, Zita Kabeobra est partie de son pays dans l'espoir de subvenir aux besoins des siens. De Manille à Paris, la traversée. Mon enfance, moi ce que je me souviens c'est que j'étais 12e enfant de 9 enfants de mes parents. Donc j'étais l'aînée parmi les filles. Donc je me suis occupée déjà à mes frères et mes sœurs. On vivait dans un village. Donc mes parents sont fermiers. En fait, on était parmi des familles qui vivent dans la pauvreté au nord des Philippines. En fait, quand j'ai demandé à mes parents que je voulais poursuivre mes études, mon père m'a annoncé que voilà, on peut pas financer vos études. Alors, j'étais un peu révoltée. Je disais, de toutes les façons, si je poursuis pas mes études, je vais partir, je vais chercher ma chance, quoi. Voilà. Déjà à l'âge de 13 ans. Oui. parce que justement à Manille, j'avais rencontré d'autres filles même âge que moi. Donc j'ai travaillé à une famille. Déjà, je me suis occupée de 3 enfants. Puis j'accompagne les petits à l'école aussi. Je prépare à manger. J'ai tout fait. Je dors avec eux dans l'appartement. En fait, elle me payait que 30 pesos à cette époque par mois. Donc, c'est pas beaucoup. C'est équivalent à 50 centimes d'euros. Oui, effectivement. Donc, alors, j'ai accepté parce que vraiment, je voulais aller loin. Je voulais fuir, en fait, dans la pauvreté. J'ai pas resté longtemps avec la famille. J'ai resté peut-être environ 8 mois. Et vous avez eu d'autres emplois aux Philippines ? Oui. J'ai rencontré une femme qui travaille à la pharmacie. Elle m'a dit, si tu veux, on peut travailler à la pharmacie. Mais moi, comme je suis nouvelle et que j'ai pas d'études qui est appropriée par rapport au besoin de la pharmacie, la propriétaire, elle n'a pas voulu me prendre. J'ai lui proposé, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, j'ai rien ici, j'ai personne. Si vous voulez m'accepter, je suis prête à faire un stage sans être payée, mais donnez-moi à manger pour payer le transport. Vous avez quel âge à ce moment-là ? 14 ans. Et la dame a dit, vous êtes sérieux ? J'ai dit, oui, je suis sérieux, j'ai rien du tout, je suis obligée d'accepter n'importe quel travail. Et si vous m'acceptiez, bah, je serais reconnaissante. Elle m'a acceptée. Donc, j'ai fait un stage, les médicaments, tout ça. J'ai travaillé pendant environ 300, je crois, 200 pesos le mois. J'avais 15 ans, donc j'étais déjà contente d'avoir cette somme au lieu d'être dans la rue sans rien du tout. Et vous vous êtes mariée aux Philippines ? En fait, c'est un mariage organisé par mes parents. À quel âge vous êtes mariée ? 19 ans. 19 ans. Et vous ne pouviez pas vous opposer à ce mariage ? Je ne pouvais pas m'opposer. Elle va me tuer, mon père. J'avais 2 enfants avec cet homme. Mais bon, en fait, dans ma tête, je voulais partir de loin. C'était pour du bien à mes enfants. Et je tournerai la page. Les femmes, ou alors même les hommes, hein, qui partaient à l'étranger à l'époque, leurs enfants ont plus de moyens de financer leurs études et avoir une vie meilleure plus tard. Et donc après, j'ai demandé à mon mari, je disais, je vais peut-être essayer de partir aussi à l'étranger pour que je puisse déjà gagner d'argent, pour que je puisse envoyer les enfants... une meilleure étude. Et partir à l'étranger, c'est travailler en tant que domestique. Voilà, de travailleur domestique. Parce que c'est le seul travail que je pourrais exercer. J'ai envie d'avoir un changement par rapport à la situation que j'avais. J'ai rêvé de quelque chose, j'ai un but à atteindre, il faut que j'aille. Pour moi et pour mes enfants. Et vous vous êtes orientée vers qui pour organiser votre départ ? J'ai rencontré le POA, qu'est-ce qu'on appelle ? C'est l'Agence Nationale d'Emploi à l'étranger aux Philippines. Quand j'étais en train de faire les démarches administratives pour aller à Taïwan, en même temps j'ai rencontré une femme qui travaille ici à Paris, qui m'avait proposé que chercher de l'argent, pourquoi pas venir à Paris, en Europe, parce que vous gagnez plus là-bas. Et comme par hasard, le visa à Taïwan et le visa pour venir à Paris est arrivé en même temps. J'ai pris le choix de venir ici à Paris. Mais malheureusement, en arrivant à l'aéroport, je découvre mon passeport avec un visa, mais qu'est-ce qu'on appelle, c'est transit visa, donc Amsterdam-Hongrie. C'est-à-dire que j'arrête en Hongrie, pas à Paris. Je disais, mais comment ça se fait que c'est en Hongrie, alors que tu m'avais promis d'aller à Paris? Non, tu poses pas de questions, on part, on demandera à Hongrie un visa pour aller à Paris. Si t'as pas de confiance, tu peux venir avec nous, et si t'as pas de confiance, t'as le droit de ne pas venir. Maintenant, vous rigolez, j'ai pas le droit de désister aujourd'hui, je suis déjà endettée pour préparer ce voyage. Et que là, vous parlez ottoman. Parce que vous aviez déjà payé. Pour avoir un passeport, pour avoir... ça c'est de l'argent, j'ai pas de réserve, donc j'ai besoin aussi de fournir que ce soit. En fait, on s'endette et on rembourse ensuite une fois qu'on travaille. Voilà, c'est ça. J'étais engagée. Donc, on a pris cet avion pour aller en Hongrie. On était donc arrivé à Hongrie et logé dans un hôtel à Budapest. Et puis, il a organisé notre départ, mais en voiture, pour traverser les frontières. Parce qu'il est parti avec nous jusqu'à Hongrie. Et c'est à partir de là que j'ai su que c'est un voyage illégal. C'est le trafic des êtres humains. En arrivant à l'hôtel, au troisième jour, c'était un mercredi, j'ai vu deux hommes qui nous ont observés, qui viennent juste d'arriver à l'hôtel. Par contre, ça ne m'empêchait pas de lui poser encore question à la dame. Arrête de faire peur tout le monde. Il a répété ça. Arrête de faire peur tout le monde. Il nous a dit, vous partez ce soir. Moi, je prends l'avion pour Paris. On se retrouve à Paris. Il y a deux voitures qui viendront vous chercher. Donc là, il a mis 5 dans une voiture, 4 dans une voiture. La voiture s'arrête. Et le chauffeur nous a dit, sortez dans la voiture, allez dans le café, je viendrai vous chercher. Vers 3h30, 4h du matin, les deux hommes que j'ai vus à l'hôtel, et c'était là, c'est la police. Vous voyez, je n'étais pas trompée avec mes doutes. Il nous a alors prise et on a retrouvé les 5 autres aux rétentions provisoires. Donc, elle nous a demandé, vous allez où, comme ça. Vous étiez dans un commissariat à Budapest. Oui. Pendant 3-4 jours, je crois. Mais vous étiez, vous dormiez en cellule à ce moment-là? Ah oui. Et donc, je disais, étant donné que le visa court, parce que c'est 15 jours, j'étais obligée de mentir. Je disais, on s'est perdu. On est des touristes, on a encore notre visa et on a encore le droit de rester. Il nous a fait sortir. J'ai collecté 2-3 dollars de chacun pour que je puisse acheter quand même une carte pour appeler. Donc, j'ai contacté. Comment vous avez réussi à contacter cette femme qui, elle, est partie? Le numéro de téléphone, il est là. Il nous a demandé de mémoriser son numéro de téléphone. Là, j'ai menacé à fond. J'irai à la police pour leur dire que c'est toi qui nous as amenés ici. Alors il a dit, non, faites pas ça, je vais trouver une solution. Alors, quand il a dit ça, je vous donne une journée. D'où m'asseoir, on serait cherché et qu'on serait à la destination. C'est des mafios. C'est des passeurs. C'est des passeurs. Donc, et vous étiez où à ce moment-là, à la rue? On est dans la rue, on était dans les églises, on est obligé de se plier les gens pour qu'on puisse manger. Mais c'est vraiment l'église qui nous a beaucoup aidé. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai contacté encore la dame pour lui dire il faut nous envoyer. Et après, elle nous a dit, dites-moi où vous êtes. Je vais vous envoyer le taxi qui va vous amener dans un endroit où les personnes qui vont vous chercher pour traverser la frontière. On était environ 15. Plusieurs nationalités, il y a des Africains, il y a des Chinois, il y a plusieurs dans un fourgon. Les passeurs disaient Philippines, France. Et j'étais la seule Philippine dans le groupe. Et donc, c'est très épuisant. On a traversé une fleuve de l'eau jusque-là. Je ne sais même pas si fleuve ou rivière, à pied. De l'eau jusqu'aux épaules, je ne sais même pas nager. J'ai dit, c'est mon Dieu, je n'ai qu'à prier à ce moment-là, j'ai pensé à ma famille, je disais, si vous ne me guidez pas, je ne peux plus voir ma famille. Et donc, j'étais obligée de suivre. Mais bon, c'est vraiment très dur parce qu'en fait, on a marché dans les montagnes, la forêt, dans les vignes. C'est l'enfer. En plein hiver. J'avais un petit sac comme ça où j'ai mis ma Bible, en fait, avec les photos de mes enfants. Après, on a fait encore la traverse. Jusque le passeur nous a annoncé Italia. Donc on est donc arrivé en Italie. Elle est venue me chercher. On a pris toutes les deux le train pour venir à Paris. Mais j'avais pas de billet de train. Il m'avait mis dans le... où il mettait les coussins, les couvertures dans le train. Voilà. Et ils sont fermés à clé. Et il me disait, avant de quitter le lieu, s'il y a quelqu'un qui frappe la porte, ne dites à rien. J'étais OK. Arrivant à la frontière d'Italie-France, donc le train s'arrête. J'ai entendu la porte, quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte. Et après, ils ont enlevé toutes les cousins où j'étais cachée. Et j'ai vu la police. Et donc, on a attendu un autotrain. Elle m'a fait retourner en Italie, à Turin. En fait, la dame, elle le savait que j'étais contrôlée déjà. Peut-être elle était déjà prévenue par le conducteur qu'elle avait peut-être payé, je ne sais rien. En tout cas, vous ne l'avez pas dénoncé, vous ? Non, je n'ai pas dénoncé. C'était parce que si j'y dénonce, je repars aux Philippines. Qui va payer mes dettes ? Qui va se passer avec mes enfants ? Ma tête, c'est déjà comme ça. Et donc... j'étais encore retournée chez la dame qui est venue me chercher après les passeurs. Et donc, elle a payé une voiture pour traverser. Et là, je suis finalement arrivée à Paris. Alors, j'ai quitté Philippines le 27 septembre 1994. Je suis arrivée en France le 3 novembre 1994. C'est un voyage qui vous a coûté de l'argent ? 10 000 $. Donc, j'ai remboursé pendant 4 ans. Une semaine plus tard, j'ai déjà commencé à travailler avec une famille américaine, qui était très gentille d'ailleurs. J'occupais une fille de 10 ans. Quand même, je cherche toujours à avoir un salaire plus élevé que celle-là parce que je pense ma dette. Dans mon chemin, en allant à l'école pour déposer la fille que j'ai gardée, j'ai croisé une dame qui me disait « je cherche une garde d'enfant, donc voici le salaire ». Donc, il m'avait mis dans un papier tout ça. J'ai réfléchi, j'ai demandé à mon employeur que voilà, il y a une proposition de travail avec un salaire plus élevé et que comprendrez-vous ma situation. J'ai besoin vraiment de l'argent déjà pour payer le voyage, lesquels, parce que j'ai pas caché avec mon employeur ce qui s'est passé. Et ainsi pour mes enfants. À ce moment-là, vous avez des papiers ? Non. Donc, vous n'avez pas de papier, vous acceptez ce poste chez ce couple de parents dans le 16e arrondissement. Comment se passent vos journées de travail? Quelles sont vos tâches? En fait, notre engagement, elle a noté dans un petit papier que voilà, je commence à 7h30 du matin, je réveille les enfants, je le prépare un petit déjeuner et je les dépose à l'école. S'il y a des choses à acheter, par exemple des petites courses à faire après l'école, je vais faire les petites courses. Après, je vais faire le ménage. Je prépare à manger pour les enfants avant que j'aille chercher 11h30. Je les donne à manger et puis après, je les ramène. Dans l'après-midi, je vais faire le repassage. Après, je prépare encore à manger pour le soir et je quitte la maison à 20h. Zita Kaveomra, est-ce que vous gardiez le contact avec vos propres enfants ? Ah oui, je garde, je les appelle à longue distance d'ailleurs, pas tous les 3 mois, c'est un sacrifice, voilà. Parce que voilà, je consacre quand même la période laquelle c'est très dur. Je voulais toucher mes enfants, je ne peux pas. Je voulais les embrasser, je ne peux pas. Je voulais préparer de nourriture, je ne peux pas parce que je suis loin. C'est très difficile. Hein. Donc je disais, d'un côté je disais, mais c'est pas grave. Si j'aurais la chance, elles partiront à l'école décemment et qu'elles peuvent travailler. Et je peux donner vie meilleure plus tard. Donc, et vous envoyez l'argent à l'époque? J'envoie 1000 francs par mois. Il fallait donc rembourser. Donc en fait, chaque mois... chaque mois, je dois une partie pour le remboursement, une partie que vous envoyez à la famille, et vous gardiez un petit peu pour vous, pour vivre. Je garde, mais comme je suis nourrie chez mon employeur, bah, mon logement, je ne paye pas aussi, parce que, en fait, je, sur le logement, c'est un couple d'âgés, lesquels j'ai travaillé 12 heures par semaine. Pour nettoyer leur maison en échange de cette chambre. Voilà, donc je ne paye pas. Tous les jours, j'ai fait ça pendant 12 ans. Mon employeur m'avait proposé, bah, si vous voulez, on peut entamer une procédure pour votre régularisation. Donc, ils ont pris mon passeport et elles m'ont dit que, voilà, on va déduire de ton salaire le frais d'avocat. Bah, j'ai dit oui, parce que j'ai vraiment envie de partir aussi voir mes enfants. Du coup, elle déduisait 1000 francs par mois. Et vous ne vous demandiez pas pourquoi les démarches étaient si longues? Justement, on était arrivé de là. Parce que, en fait, quand j'ai posé la question, elle a dit on va attendre, on va poser la question à notre avocat. Et un jour, elle m'avait demandé une grande ménage dans l'appartement. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé mon passeport dans un tiroir. Et j'ai posé la question, mais c'est avec le monsieur. Et le monsieur, il se met en colère. Il disait, vous ne faites plus correctement votre travail. Aujourd'hui, c'est presque 4 ans que je travaille chez vous. Je n'ai jamais entendu quelconque réclamation par rapport à mon travail. Et c'est aujourd'hui que vous réclamez que je ne fais plus mon travail correctement. Il est très en colère. Et vous ne me répondez pas comme ça, vous ne me connaissez pas. Il m'a dit comme ça avec son doigt. Et je disais, ben non, monsieur, je vous connaissais très bien. Et il s'est rentré dans sa chambre, il a pris une chaise et il l'avait jetée vers la porte. Et le lendemain, j'ai plus envie d'aller parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et donc, j'ai quitté le travail. Trois mois plus tard, ben environ 3 mois, il y a une copine qui m'a appelée. Elle m'a dit, j'ai croisé le petit garçon que tu as gardé. J'ai posé la question, pourquoi tu ne l'accompagnais plus? Et il a dit, tu ne travailles plus chez eux parce que tu avais volé des bijoux de sa mère. Là, par contre, j'étais explosée. J'ai dit, c'est quoi? Même jour, j'ai contacté mon ex-employeur. J'étais tombée à la dame. J'ai dit, excusez-moi, je vous appelle, ce n'est pas parce que j'ai envie de revenir, mais ce n'est pas ça du tout, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous racontez à vos enfants. Non, mais désolé, c'était parce qu'en fait, tous les jours, à chaque instant, ils te demandent, et que donc on était obligés de monter auprès d'eux. Et vous pensez ça correct? Comme ça, ils ne demandent plus, depuis qu'on a raconté ça aux enfants, ils ne vous demandent plus. Parce que ces enfants... J'imagine qu'ils étaient attachés à vous, mais vous aussi, vous étiez attachés à eux. J'étais rattachée aux enfants, bien sûr. J'ai considéré comme mes profs, enfin. Bah, en plus, étant vous-même loin de vos enfants, il y a bien forcément... Bien sûr, c'est la seule solution, en fait, d'oublier déjà que ça me manque aussi, mes propres enfants. Voilà. Et j'étais très en colère. Je disais, bon, écoutez, madame, ce que vous avez fait, il est impardonnable. Moi, je ne peux pas tourner la page. Je vais tout faire. Payez le reste de mes salaires que vous n'avez pas payé et rendez-moi mon passeport. Et il m'a dit, j'ai rien à vous rendre, j'ai rien à vous payer. Et là, j'étais explosée comme un volcan. Ils avaient toujours votre passeport? Elle l'avait toujours. Elle l'avait toujours. J'étais très en colère. Bon, ok. Gardez mon passeport, gardez votre argent. On se retrouve au tribunal et j'ai raccroché au nez. Et là, par contre, j'étais à Gare Saint-Lazare, je n'ai jamais oublié, dans un cabine téléphonique là-bas. Je disais, mon Dieu, je vais retrouver mon employé au tribunal, je ne connais personne, je ne parle même pas la langue. Comment je peux retrouver? Aide-moi. J'ai croisé une voisine et elle a dit, je connais une association qui peut t'aider. Elle a appelé le comité contre l'esclavage moderne et donc la procédure commence. Elle m'a amenée à la CFDT. Donc je découvre ce syndicat qui à cette époque-là, c'est le syndicat parisien des employés de maison. C'était en 1999. Voilà, on a entamé le procédure. C'est le juriste CFDT. C'est le juriste de la CFDT qui s'est occupé de votre dossier. De mon dossier. Et au cours de 5 minutes avant le jugement, au prud'homme de Paris, elle me demandait combien de sommes je voulais, mais j'évite le cas. C'est-à-dire que toute poursuite, je coupe. Voilà. Vous ne vouliez pas d'argent, je ne voulais pas d'argent. Réparer l'injustice. Parce qu'en fait, dans ma tête, tout ce qu'elle m'avait fait, on exerce nos métiers professionnellement et qu'il n'y a pas de respect. Surtout l'accusation de vol, ça est inacceptable. Et donc, on a refusé. Elle était condamnée, mais c'est à mi-temps. Mais désolée, j'ai travaillé double que plein temps. Vous voulez dire que le couple de parents... lui disait que vous étiez employée à temps partiel, c'est ce que vous dites ? À temps partiel. En fait, elle était jugée, mais à temps partiel. Non. Et donc, on a fait appel. Donc, en février 2003, le jugement est prononcé, donc j'ai gagné. Et quelle a été leur peine à ce couple de parents chez qui vous avez travaillé ? Ils sont condamnés pour les salaires impayés, le travail dissimulé. À établir les bulletins de salaire depuis au début de mon emploi. Ça a réparé l'injustice pour vous ? Ça a réparé l'injustice, oui. Et je ne les ai pas amenés au tribunal correctionnel par rapport aux violences qui s'étaient passées, parce que j'ai pensé les enfants comme j'ai considéré comme les miens et que ça me fait la peine que leurs parents seront en prison et qui... Il va s'occuper d'eux, en fait. Voilà, donc j'ai pensé ça. Et c'est pour cela que quand j'ai gagné par rapport à mes salaires impayés, le travail dissimulé, tout ça, pour moi, c'est déjà une réparation satisfaisante, déjà de ma part. J'ai continué mon militantisme. J'étais au conseil de branche. J'étais négociatrice. Avant tout, en octobre 2003, elle m'avait proposé d'être secrétaire générale. Je disais, vous rigolez, je parlais 3 mots de français et que vous me demandez de diriger un syndicat professionnel. J'ai réfléchi. Je disais, quand j'étais enfant, j'ai vraiment envie d'aller à l'école. C'est peut-être l'occasion. Et donc, j'ai accepté. J'étais donc élue secrétaire générale en octobre 2003. Ce qu'on appelle aujourd'hui SAMSAP Île-de-France. Syndicat, 10 assistantes maternelles et des salariés de service à la personne, CFDT Île-de-France. Donc j'ai commencé ma formation et donc j'avais eu un tuteur pour apprendre le français. J'étais seule de 150 heures pendant 1 an et demi. Voilà, j'ai appris plein de choses et je suis contente. C'était Le destin de Zita, de Manille à Paris, la traversée. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Anne Pérez Franchini, prise de son Yves Lehors, mixage Claude Nior, coordination Christine Bernard. C'est la fin de ce premier épisode. Demain, c'est à 13h30, vous entendrez la suite du documentaire du destin de Zita, mais pour l'instant, c'est aussi la rentrée cinéma pour Antoine Guillot.